Mac 93 à la centrale, Mac 93 à la centrale. Ouais, j'écoute. Cambrioleur en action sur l'avenue commerçante du numéro 5. On signale 6 individus de type manouche et nord-africaine. C'est apparemment encore tous des voleurs de poules et des mangeurs de poules. Du renfort, ce soir je veux manger à l'âne. Ouais. C'est les petits coups du 9-3, Marseille de client court. Écoute ce morceau mortel, si t'es client court. Acheter notre CD, 100% sur un D. T'es accro, t'as goûté, attention à l'OD. Au-delà des limites, je vais pousser mon rap jusqu'à m'en péter la rate. J'ai pas les propos du paf. Sors tes couverts, j'ai la dalle, sors tes découverts. Attaquons sur le terrain, j'ai boycotté les vestiaires. Les banques touchent, c'est pour les nazes et les blessés. Écoute ce flow, c'est cheap, c'est gauche, fais kiffer même les mal baisés. J'abuse pas, j'suis venu sans faire ding dong. J'veux grimper au plus haut, quitte à me faire fumer comme King Kong. J'aime les gros casses et les tasses. Gros, si tu cherches les embrouilles, verrez que nos audits quattro. Même si leur zik est bonne et qu'elle a un bon cul, on reste fidèle à notre rap, on fera jamais cocu. On est des bons, des bruts, détruisant la galère. On travaille en équipe pour amener des lots à la guerre. Notre salaire est brut, on bosse pas pour l'État. On piquera mon gros, nique sa mère, les rétards. On est des bons, des bruts, détruisant la galère. On travaille en équipe pour amener des lots à la guerre. Notre salaire est brut, on bosse pas pour l'État. On piquera mon gros, nique sa mère, les rétards. J'déballe les 12 rimes, j'viens pas faire un casting. Chez nous, c'est en marche arrière qu'on fait notre shopping. L'espace est l'artiste, j'ai les rimes de compète. Rien à me foutre sous la dent, j'en bouffrai des croquettes. Envoyez les pépettes, faut des sous, faut des culs. J'viens pas faire de la pub, ma carte bleue, c'est ma plume. Authentique dans la vie, on n'est pas des doublettes. J'viens faire du hardcore, j'pousse pas la chansonnette. C'est pas sur cette boulevard chez moi, c'est ghetto. Des rues crates sans lumière, des coups de gorge qui ont les crocs. Qui balancent des crocs sur les voitures des schmicks. On est jamais chargé, on ne fume que du bullshit. On est des bons, des bruts, détruisant la galère. On travaille en équipe pour amener des lots à la guerre. Notre salaire est brut, on bosse pas pour l'État. On piquera mon gros, nique sa mère, les répare. Ne plus. C'est que mon son bête comme du C4, full feu dans les bacs. J'aime 16 qui débarque, mais des claques, j'ai pété des nacs. VVV, merde, derrière le trompe, j'dégénère. Montreuil, clique, LP, c'est truante la galère. J'rappe pour les rejeter, les gars sociaux. J'ai la dalle au ventre, vénère comme Gattuso. Baisse à mort les clistés, là-dessus j'veux persister. Avec mon scoton, ton d'attaque, les martyrs se font péter. J'ai égorgé l'instru comme un Jai en Palestine. Les artificiers prennent notre eau comme de la nitroglycérine. J'bois pas, j'fume pas et j'me drogue pas. J'rappe toujours dur car j'ai pas le salaire à drogue pas. J'suis pas un fils à papa, j'ai connu la l'ergar. C'est l'M16 pas, 9-3 Montreuil sous bois. C'est le rap point des bois qui dévoile sans clignotant. C'est pas un saut de la fête mais un saut mal dominant. On est des bons, des bruts, détruisant la galère. On travaille en équipe pour amener des lots à la guerre. Notre salaire est brut, on bosse pas pour l'État. On piquera mon gros, nique sa mère, les répare. On est des bons, des bruts, détruisant la galère. On travaille en équipe pour amener des lots à la guerre. On débarque, acclamé comme Beckham à Wembley. Encore 9-5, 9-3, truand la galère LPC. Tu sais qui sont les vrais, tu sais qui sont les chauds. Quand t'étanches Black Bird, tu manges la matraque au dépôt. Bienvenue dans ma sphère, t'as mis les deux pieds en enfer. Pour mes cousins, je t'y peines, le juge, on encule sa mère. Ça sort de Montreuil, de Sarcelles, Ville et Le Bel. Big up, oh Rémi, je vois que les putes qui déploient leurs ailes. Pas besoin de stup, je pèse le pitch, lève la cup. Fais péter l'oriental, samouraï des chops. Arrête de jouer le boss sur mes scènes dans une clique. Ici les degrés sont dans le rouge comme l'île d'une baraque à frites. On taffe au black, on n'a pas de moyens dans ma street. Toujours un vieux pour la corde, passé au puce sur la frite. Eh, hey, j'rappe pour les détenus et fork le maton. On dispo 24, okay. 24, nos voleurs ne font pas le pont. Quand on mélange arabe et chitan, c'est tel port. Des bars, je suis prêt à faire rentrer les ronds bâtards. C'est pour les rêves qui sont en cavale, qui tombent banane ou caravane. Ça se passe comme ça chez nous, on fait des sous-sous. Pas comme ces pédés de rappeurs qui s'essuient. Vas-y, vas-y, vas-y, tape dans la CC, salope. Fais pas la sable pour mes potes, ils tombent galope. Les bonhommes se reconnaissent dans tout ce que je dis. Prends, prends pas le seum, si j'ai plus grave tout mes ce que dis. D'où on vient parfois c'est tendu. On s'entretient juste pour un 25-2-2-2. Genre de la galère LPC. V'là les équipes les plus déter, bâtard. Ma maman sage, ça c'est toutes les crasses de Paname. De chancer lycée jusqu'à Port-Romain. Trop hardcore, mix mes graisses gros porcs. C'est pour mes grossistes, nique les forces de l'or. Hey,